الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيتها الأخوات Les imams musulmans et le Bukhari rapportent, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. La personne sera avec ceux qu'il a aimés. Ce hadith est une bushra azima. Une immense bonne nouvelle pour les croyants et les croyantes, car il est une preuve que la personne peut obtenir d'Allah Azza wa Jal la faveur d'être avec les prophètes et les pieux serviteurs d'Allah Yawm al-Qiyamah, même s'il n'a pas œuvré comme eux, simplement à cause de l'amour qu'il leur a porté. C'est la raison pour laquelle il est rapporté d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a dit à propos de ce hadith, ma farihna bi shay'in farahana bi qawli sallallahu alayhi wa sallam, bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, al mar'u ma'a man ahabba. Fa ana uhibbu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa aba bakrin wa umar, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum, wa in lam a'mal bi mitri a'malihim. Anas ibn Malik dit à propos de ce hadith, nous ne nous sommes pas réjouis d'une chose comme nous nous sommes réjouis de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la personne sera avec ceux qu'il a aimés. Puis Anas radiallahu anhu dit, et moi j'aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux par mon amour pour eux, même si je n'ai pas œuvré comme ils ont œuvré. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la personne n'obtient cette faveur que parce que cet amour implique le fait de tenter de ressembler à celui qu'on aime et le prendre comme modèle à suivre. Voilà pourquoi l'imam Sa'adi, rahmatullah alayhi, a dit dans son livre Bahajat Qulub al-Abrar, en explication de ce hadith, du hadith Al-Mar'u Ma'aman Ahabba, il dit فَإِنَّ الْمَحَبَّةَ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ اِتِّصَالِ الْمُحِبِّ بِمَنْ يُحِبُّهُ وَمُنَاسَبَتِهِ لِأَخْلَاقِهِ وَإِقْتِدَائِهِ بِهِ فَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ انتهى. Certes, l'amour est une preuve. L'imam Sa'di dit, certes, l'amour est une preuve de la force du bien, de la force du lien plutôt, de la force du lien qu'il y a entre celui qui aime et l'être aimé. Et il indique que ses comportements, c'est-à-dire les comportements de celui qui est aimé, et ses manières conviennent à la personne qui l'aime et qu'il le prend comme exemple. Et il est une preuve qu'on trouve cela en lui. Fin de citation. Et il dit aussi l'imam Sa'di, rahimahullah, وَهَذَا مُشَاهَدٌ مُجَرَّبٌ إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَهْلَ الْخَيْرِ رَأَيْتَهُ مُنْدَمًّا إِلَيْهِمْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمْ وَإِذَا أَحَبَّ أَهْلَ الشَّرِّ إِنْدَمَّ إِلَيْهِمْ وَعَمِلَ بِأَعْمَالِهِمْ. Et ceci est une chose dont nous pouvons témoigner et dont nous avons fait l'expérience. Si le serviteur aime les gens de bien, tu le vois rallié à eux et il s'attache à être comme eux. Et s'il aime les gens du mal, il se joint à eux et il agit comme eux. Fin de citation. Et c'est vrai que nous pouvons constater ces paroles de l'imam Sa'di, nous pouvons les constater aujourd'hui. Par exemple, ceux qui aiment les stars de la chanson ou du cinéma ou autre, tu les verras essayer de les imiter en s'habillant comme eux, en se coiffant comme eux, en parlant comme eux, en essayant d'agir comme eux et de copier leur caractère, même si ce sont des sales caractères. Et ceci à cause de quoi ? À cause de l'amour fort qu'ils leur portent. De tout ceci, on peut donc tirer comme conclusion que si nous voyons que nous n'avons que peu d'attachement à tenter d'être comme les salafs, à tenter d'agir comme eux et de les imiter dans leur noble comportement, ceci indique une faiblesse de notre amour pour eux. Et nous risquons donc de passer à côté de cette énorme récompense qu'engendre l'amour des salafs et qui est prouvé par le hadith Al mar'u ma amana ahabba. La personne sera avec ceux qu'il a aimés. Et cet amour des salafs s'obtient en prenant connaissance de leur biographie, en prenant connaissance des attitudes exemplaires, des comportements honorables et des actes de piété et de bravoure et d'héroïsme dont ils ont été auteurs. Et ce qui leur a valu l'agrément et les éloges d'Allah Azzawajal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne peut que nous encourager et nous inciter à vouloir suivre leurs traces. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. Voilà ceux, en traduction approximative du sens, voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Les hommes doivent suivre la direction des pieux prédécesseurs et les femmes se doivent de suivre la direction des femmes des pieux prédécesseurs et prendre ces femmes-là comme modèle, comme exemple. Urtifillah, pose-toi donc la question, où en es-tu de l'amour et du suivi de ces femmes-là, en commençant par les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants. Ces femmes-là ont certes été, et elles sont certes, un excellent exemple à suivre dans leur foi et leur détermination à obtenir la récompense de l'au-delà, et dans leur ascétisme et dans leur délaissement de la dunya. C'est ainsi qu'il leur fut demandé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants, de choisir entre cette dunya et son décor et l'au-delà. Et elles ont choisi sans hésiter l'au-delà. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. En traduction approximative du sens, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente et sa parure que vous désirez, alors venez, je vous donnerai quelques moyens d'en jouir, et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, et la demeure dernière, Allah a certes préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. L'imam des savants du tafsir Ibn Kathir rahmatullah alayh a dit à propos de ce verset: Hada amrun min Allah li rasulihi salawatullah wa salamuhu alayh bi an yukhayyira nisa'ahu bayna an yufariquhunna fayadhhabna ila ghayrihi mimman yahsul lahunna indahu alhayatud dunya wa zinatuha wa bayna as-sabri ala ma indahu min dayqil hal ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله ودار الآخرة فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا والسعادة الآخرة. L'imam Ibn Kathir dit: ceci est un ordre, en parlant de ce verset, ceci est un ordre d'Allah à son messager, salawatullahi wa salamu alayhi, de donner le choix à ses femmes entre la séparation afin qu'elles puissent aller vers autre que lui, parmi ceux auprès de qui elles trouveront la vie d'ici-bas et son décor, ou alors la patience sur la situation matérielle étroite dans laquelle il était, sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir en échange de cela une grande récompense auprès d'Allah. Et elles ont, qu'Allah les agrée, choisi Allah et son messager, et la demeure dernière, et Allah après cela leur a rassemblé entre le bien de ce bas monde et le bonheur de l'au-delà. Cette parole de l'imam Ibn Kathir, rahmatullah alayh, lorsqu'il dit qu'Allah leur a rassemblé entre le bien d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà, qu'Allah a rassemblé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre le bien d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà, ceci indique, urtifillah, que le bien d'ici-bas ne se trouve pas dans les choses matérielles et l'abondance de subsistance. Car si ceci était le cas, l'imam Ibn Kathir n'aurait pas dit qu'Allah azawajal leur a donné le bien d'ici-bas à ces femmes, car elles n'ont pas eu le confort matériel ni l'abondance de subsistance avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, elles ont vécu une vie austère dans la pauvreté. Et ce qui prouve cela, il y a beaucoup de hadillah qui prouvent cela. Il est rapporté Umul Mu'minin Aisha radiallahu anha a dit: ma shabi'a al Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubzi sha'irin yawmayn mutatabi'ayn hatta qubid. La famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à sa faim du pain d'orge deux jours consécutifs jusqu'à sa mort. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, elle dit, radiallahu anha, ma shabi'a al-Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadim al-Madina min ta'am al-bur thalata layalin taba'an hatta qubid. La famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à sa faim du pain de blé trois nuits consécutives depuis son arrivée à al-Madina jusqu'à sa mort. Et son neveu, le neveu de Aïcha radiallahu anha, Urwa, rapporte d'elle qu'elle a dit: Wallahi ya ibna ukhti, in kunna lananduru ila al-hilal thalatata ahilla fi shahrain وما أوقد في أبيات في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء. Donc Aïcha radiallahu anha a dit: par Allah, ô mon fils, ô fils de ma sœur, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, puis la suivante, jusqu'à trois nouvelles lunes, en deux mois, sans qu'on ait allumé un feu pour faire la cuisine dans les maisons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son neveu au roi lui dit: ô tante, de quoi alors vous nourrissiez-vous? Elle répondit: des deux noirs, les dattes et l'eau. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Aïcha radiallahu anha dit aussi, comme cela est rapporté par Al-Bukhari, rahmatullah alayhi, كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه الليف. Le lit du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était un matelas de cuir rempli de fibres de palmier. Ceci te démontre, Urtifillah, que le bonheur et le bien de ce bas monde, la bonne vie ne réside pas dans les choses matérielles et le frigo plein. Car ces femmes pieuses, comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, ont eu le bien de ce bas monde. Elles ont eu le bien de ce bas monde sans avoir ces choses matérielles et en vivant une vie difficile matériellement parlant. Et ceci est prouvé par la parole d'Allah Azzawajal: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque, mâle ou femelle, fait bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sans aucun doute celui qui a le plus œuvré et le plus pieux de cette communauté. De même que ces femmes sont parmi les plus pieuses et des exemples pour les femmes de cette communauté. Donc si Allah azzawajal a promis aux croyants, mâles et femelles, qui accomplissent de bonnes œuvres, de leur donner une bonne vie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa famille sont sans aucun doute plus en droit et méritent plus que quiconque de vivre cette bonne vie. Et c'est ce qui fut. Et voilà donc pourquoi l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans cette parole que j'ai citée, qu'Allah azawajal a rassemblé à ses femmes, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants, le bien de ce bas monde qu'on ne peut obtenir que dans l'obéissance d'Allah azawajal. Et il leur a aussi donné le bonheur de l'au-delà, une vie éternelle dans les délices du paradis. Un autre exemple, Urtifillah, qu'il est bien que tu suives, parmi ce qui nous a été rapporté des femmes des salafs, comme attitude exemplaire, prouvant la foi ferme et la détermination qu'avaient ces femmes, c'est la hijra d'Umm Salama radiallahu anha, cette femme qui avait une excuse pour ne pas faire la hijra, car son clan l'avait retenu et empêché de faire la hijra avec son mari Abu Salama, et elle avait même été séparée aussi de son fils, car quand son clan à elle a refusé de la laisser partir avec Abu Salama, le clan à Abu Salama s'est fâché et ils ont dit: si vous ne la laissez pas partir avec notre homme, nous ne laisserons pas notre fils avec vous, c'est-à-dire l'enfant d'Abu Salama radiallahu anhu. Et donc ils ont pris l'enfant avec eux et Umm Salama radiallahu anha s'est retrouvée toute seule sans son mari, partie à Al-Médina et sans son fils. Et elle est restée ainsi dans cette situation près d'un an, jusqu'à ce qu'Allah azawajal lui a facilité par un homme influent de son clan qui a eu pitié d'elle et qui a intervenu pour qu'on la laisse rejoindre son mari. Et malgré qu'elle était une femme faible, seule avec son fils, et qu'elle ne connaissait pas la route, et que cette route pouvait même être très dangereuse et périlleuse pour elle et pour son fils, elle a quand même pris la route et a placé sa confiance en Allah Azzawajal. Et elle s'est engagée toute seule dans le désert jusqu'à ce qu'Allah lui a facilité par un homme nommé Othman ibn Talha ibn Abi Talha, qu'elle a croisé sur la route et qu'il a aidé et pris en charge par la suite jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle puisse rejoindre son mari à Al-Medina. Tu trouveras le récit de sa hijra dans des livres d'histoire comme At-Tarikh al-Islami de l'imam Al-Humaydi et d'autres. Urtifillah donc prend exemple sur cette femme dans sa détermination et dans son tawakkul, sa confiance en Allah Azzawajal. Prends donc exemple sur elle et quitte la terre de mécréance vers une terre d'islam si tu en as la capacité et les moyens. Et je tiens à dire ici que la parole d'Allah Azzawajal concernant la hijra, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. En traduction approximative du sens, à l'exception des impuissants hommes et femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Ce verset donc concernant la hijra et qui parle des impuissants, donc dans ce verset Allah Azzawajal a défini quelles sont ces personnes impuissantes à qui il se peut qu'il pardonne le fait de à qui il se peut qu'il leur pardonne le fait de résider parmi les mécréants. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup ont mal compris cette parole et pensent que la femme, de manière générale, fait partie des impuissants et qu'elle est exemptée de la hijra d'office. Alors qu'Allah Azzawajal a expliqué qui sont ces impuissants dans cette parole. Il a expliqué qui sont ces impuissants à qui il se peut qu'il pardonne par sa parole. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Incapable de se débrouiller et qui ne trouve aucune voie. Ce qui indique que ceux qui sont capables de se débrouiller et qui trouvent une voie ne rentrent pas dans ce cas et la hijra leur est obligatoire et ils sont menacés du châtiment s'ils la délaissent. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ont les moyens et la capacité de voyager d'un pays à un autre et elles peuvent se débrouiller, mais elles ne le font pas pensant qu'elles font partie des impuissants. Voilà pourquoi l'auteur du livre, Asna al-Matajir, qui traite de ce sujet, a dit au sujet des impuissants dont Allah parle dans ce verset, il dit « Wa amma al-mustati'u bi ayyi wajhin kana wa bi ayyi hila tamakkanat fa huwa ghayr ma'dur wa dhalimun li nafsihi in aqama hasba ma tadamanat al-ayat » وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَاتِ. Il a dit, quant à celui qui a la capacité, par n'importe quelle manière que ce soit, et par n'importe quelle voie possible, il n'est pas excusé, et il est injuste envers lui-même en fonction des versets et des hadiths cités. Fin de citation. Donc, ceci démontre donc que la femme qui a la capacité, qui a les moyens de se débrouiller, d'obtenir un passeport et de prendre un billet d'avion pour voyager de la terre de mécréance vers la terre d'islam, elle n'a aucune excuse. Elle n'a aucune excuse et elle est menacée du châtiment dont Allah Azzawajal a menacé ceux qui y résident en terre de mécréance en ayant la capacité de quitter cette terre vers une terre d'islam. Donc, Urtifillah prend donc exemple sur Salama radiallahu anha, qui a pris bien plus de risques que ce qui t'est demandé aujourd'hui pour rejoindre la terre d'islam. Et il se peut que ce soit à cause de cet acte de bravoure unique qu'Allah Azzawajal l'a gratifié par le fait de devenir par la suite une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam une des mères des croyants. Et d'ailleurs, il n'y a pas comme Salama radiallahu anha qui a fait la hijra toute seule parmi les femmes des salafs. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres à propos. Et c'est à leur propos qu'Allah azawajal a descendu sa parole. Ya ayyuhalladina amanu, ida ja'akumul mu'minat muhajirat, famtahinuhun, Allahu a'lamu bi imanihin, fa'in alimtumuhunna mu'minatin, fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Al-aya. En traduction approximative du sens, ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas vers les mécréants. Donc, ceci doit encourager toute femme qui a la capacité et la possibilité de se débrouiller à quitter la terre de mécréance, à le faire sans attendre. Et ce n'est pas parce qu'elle est célibataire, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle doit rester attendre jusqu'à ce qu'elle se marie pour avant de partir. Elle doit se débrouiller. Si elle a la capacité, elle doit quitter la terre de mécréance. Et parmi les choses importantes sur lesquelles les salafiyates se doivent de suivre les femmes des salafs et de les prendre comme modèle, le hijab, le voile islamique, sur cette question, les salafiyates, les femmes qui suivent le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs, se doivent de revenir à la compréhension des femmes des salafs et les suivre dans leur façon de se voiler. Surtout que le hijab est un sujet sur lequel il y a une divergence concernant le visage et les mains. Les savants étaient unanimes sur ce sujet, hormis le fait de savoir si la femme se couvre le visage et les mains. Mais si tu regardes la pratique des femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des femmes des compagnons as-sahaba et leur compréhension des preuves concernant le hijab, ceci devient clair. Prenons par exemple la parole d'Allah azawajal, وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. En traduction approximative du sens, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ce verset, l'imam al-Bukhari en a fait un chapitre dans son sahih, et il l'a cité pour expliquer la parole de Aïcha radiallahu anha qui a dit يَرْحَمُ اللَّهُ النِّسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَا مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَا بِهَا. Qu'Allah fasse miséricorde aux premières muhajirat, aux premières émigrées, lorsqu'Allah a descendu sa parole, traduite approximativement par « et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine », elles ont déchiré leur pagne et se sont couvertes avec. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans Fathul Bari, dans le commentaire de ce hadith, à propos de la parole de Aïcha, Fakhtamarna ay ghatayna wujuhahun. Donc concernant sa parole, elles se sont couvertes avec. C'est-à-dire, il a expliqué en disant, c'est-à-dire qu'elles ont couvert leur visage. Ceci démontre donc que les femmes des salafs ont compris de ce verset « وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Elles ont compris de ce verset qu'il fallait se couvrir le visage. Et ceci est appuyé par le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Aïcha radiallahu anha qui raconta les événements qui se sont produits lorsqu'elle fut oubliée par la caravane du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que Safwan ibn al-Mu'attal radiallahu anhu la récupéra, ce qui leur a valu la calomnie dont vous êtes au courant. Et elle dit donc, en racontant cette histoire, parmi ce qu'elle a dit, elle a dit فَخَمَرْتُ وَجْهِ بِجِلْبَابِ. J'ai caché ou couvert mon visage avec mon djilbab. C'est-à-dire que lorsque Safwan ibn Mu'attal s'est rapproché d'elle, elle a couvert son visage avec son djilbab. Quel aurait été l'intérêt de se cacher le visage si ce n'est que les femmes de l'époque le faisaient et que ceci était honteux pour elles de dévoiler son visage devant un homme étranger. Et elle dit aussi, radiallahu anha, dans ce même hadith, « وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ » En parlant de Safwan ibn Mu'attal, elle dit « Et il m'avait vu avant le hijab. » Ceci démontre qu'après le hijab, après la descente de l'ordre de se voiler, il lui devint impossible à ce compagnon de la voir car elle se couvrait le visage et donc il ne l'a plus vue. Et ceci est aussi appuyé par la parole d'Umul Mu'minin radiallahu anha, rapportée par l'imam Abu Daoud et authentifiée par l'imam Al-Albani rahimahullah, dans laquelle elle dit كَانَ الرُّكْبَانِ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إهدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا بنا كشفنا. Les cavaliers passaient à côté de nous alors que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram, c'est-à-dire pendant le hajj. Et lorsqu'ils arrivaient à notre niveau, une d'entre nous prenait son djilbab de sa tête sur son visage, et lorsqu'ils étaient passés, on découvrait nos visages. Et l'imam Malik, rahimahullah, rapporte dans son livre Al-Muwatta que Fatima bint al-Mundir a dit Kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimat wa nahnu ma Asma bint Abi Bakr Siddiq. Elle a dit nous nous couvrions le visage alors que nous étions en état d'ihram en compagnie de Asma bint Abi Bakr Siddiq. Tout ceci, de même que d'autres arguments, démontrent donc que les femmes des salaf se couvraient le visage et que c'est ainsi qu'elles ont compris l'épreuve concernant le hijab. D'ailleurs, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans Fath al-Bari, son excellent commentaire de Sahih al-Bukhari, il a dit, rahimahullah, « وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرُنَا وُجُوهَهُنَّ عَنِ الْعَجَانِبِ » Et l'habitude, la coutume des femmes dans le passé et le présent n'a cessé d'être qu'elles se cachent, qu'elles cachent leur visage des étrangers. Fin de citation. Et les étrangers dont il est question ici, ce sont tous ceux qui ne font pas partie de leurs proches, tous ceux qui ne sont pas un mahram pour elle. A savoir aussi que cet avis, qui est qu'Allah Azzawajal a ordonné aux femmes de se couvrir le visage, c'est aussi l'avis de grands savants parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Abbas radiallahu anhu. Et parmi les exemples qui démontrent, tout ceci démontre qu'il est important à la femme de suivre les femmes des salaf dans ces choses-là et de les suivre aussi dans leur compréhension des textes. Et parmi les exemples qui démontrent la grande pudeur des femmes des salaf et qui montrent la grande importance qu'elles accordaient au fait de ne pas se dévoiler devant les hommes, le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim d'après Atta ibn Abi Rabah rahimahullah, qui a dit que Ibn Abbas radiallahu anhu lui dit Ala urika mra'atan Ala urika mra'atan min ahli al-jannah, ne te montrerai-je pas une femme du paradis? Il lui répondit Bala, bien sûr. Et Ibn Abbas poursuivit en disant Hadihi al-mar'a as-sawda atat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasulallah inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li faqala in shi'ti sabarti wa laki al-jannah wa in shi'ti da'utu Allah an yu'afika faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'u Allah an la atakashaf fad'a laha. Ibn Abbas lui dit cette femme noire, après lui avoir dit ne te montrerai-je pas une femme du paradis ? Et lui dit, cette femme noire est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, ô messager d'Allah, j'ai des crises épileptiques et je me dévoile. Invoque donc Allah pour moi. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Ou si tu veux, j'invoque Allah afin qu'il te guérisse. Elle répondit, je patiente. Puis elle dit, je me dévoile, donc invoque Allah pour que je ne me dévoile pas. Et il invoqua pour elle. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua pour elle. Prends donc exemple, urtifillah, sur cette femme des salafs, dont il est rapporté dans certaines versions que son nom était Shu'aira. Et cette femme a patienté sur la maladie. Elle a patienté sur la maladie, mais elle n'a pu patienter sur le fait de se dévoiler, de dévoiler des parties de son corps qu'il fallait cacher. Et pourtant, avec sa maladie, elle avait une excuse valable et il n'y avait pas de péché sur elle. Mais elle a quand même eu le souci de demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne se dévoile pas. Parce qu'il lui arrivait donc de se dévoiler lorsqu'elle avait ses crises, de dévoiler des parties de son corps. Donc ceci est un exemple à suivre dans le fait de s'attacher à préserver, à se préserver du regard des hommes. Car on voit aujourd'hui beaucoup de sœurs malheureusement qui sont souvent laxistes à ce niveau. Et il y a des habitudes, ayatuha al-ukht, que la femme qui est sur le suivi des salafs doit prendre, et d'autres qu'elle doit délaisser. Il y a des habitudes qu'elle doit prendre parmi les bonnes habitudes. Le fait de rester dans sa maison, par exemple, et de limiter les sorties qui ne sont pas motivées par un besoin, car ceci est meilleur pour elle et pour sa préservation. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Restez dans vos foyers, en traduction approximative du sens, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. L'imam Sa'di rahimahullah a expliqué at-tabarruj, l'exhibition, dans son tafsir comme étant le fait de multiplier les sorties en étant embelli, parfumé. Et d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu awra, al-mar'atu awratun, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et il est authentifié par l'imam al-Albani. La femme, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme est une partie intime. La femme est une partie intime. Et si elle sort de chez elle, Shaytan l'embellit aux yeux des hommes. Shaytan l'embellit aux yeux des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la femme à une partie intime, car comme les parties intimes, il est détestable et honteux qu'elle soit dévoilée aux yeux des gens. Et sa parole, il l'embellit aux yeux des hommes, istashrafa ash-shaytan. Il l'embellit aux yeux des hommes, c'est-à-dire qu'il en fait une fitna, il en fait shaytan lorsque la femme est sort, il en fait une tentation pour les hommes. Il en fait une tentation pour les hommes. Voilà pourquoi la femme doit faire attention de manière générale à ne pas attirer l'attention, que ce soit s'il lui arrive de sortir pour un besoin, parce que ceci lui est permis de sortir pour différents besoins. Mais ce dont on parle ici, c'est de multiplier les sorties sans qu'il n'y ait de besoin. Donc la femme, s'il lui arrive quand même de sortir pour un besoin, comme le fait d'aller à la mosquée ou d'autres besoins, s'il lui arrive de sortir, elle doit faire attention à ne pas attirer l'attention, que ce soit dans son habillement ou par sa voix ou autre. Malheureusement, beaucoup de femmes de nos jours ont été éprouvées par ce genre de choses. elle multiplie les sorties tous les jours dehors pour une raison ou pour une autre, pour un oui ou pour un non. Elles mettent des djilbabs flashants ou des sacs à main qui attirent les regards de loin. Et elles discutent avec les commerçants ou autres et rigolent avec et plaisantent avec eux. Elles se font remarquer en élevant la voix. Et tout ceci ne convient pas pour une femme pudique qui craint Allah Azzawajal et le jour dernier. Surtout que le fait donc de lever les voix, c'est quelque chose de très répandu de nos jours chez les sœurs, alors que ceci ne convient pas. Et parmi les arguments qui prouvent qu'il ne convient pas aux femmes d'élever leur voix, le hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâma ses compagnons parce qu'ils ont tapé des mains dans la prière, et il leur dit: innama at-tasfiqu lin-nisa man nabahu shay fi salatihi falyakul subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: taper dans les mains, ce n'est que pour les femmes, que celui qui veut faire une remarque dans sa prière dise subhanallah. Donc même dans la prière, pour signaler quelque chose, il n'est pas permis à la femme de parler à haute voix, mais plutôt elle tape des mains. Et ce sont les hommes qui parlent à haute voix et disent subhanallah. Ceci parce que la voix de la femme, il ne convient pas qu'elle l'élève, si ce n'est pour un besoin légiféré. Donc, la femme doit rester chez elle et éviter de trop sortir sans besoin, pour ne pas que Shaitan en fasse une tentation. Pour les hommes, et lorsqu'elle sort pour un besoin, elle doit éviter tout ce qui peut attirer les regards vers elle. Et il est rapporté dans la biographie de Hafsa bin Sirin, rahmatullah alayha, qu'elle est restée 30 ans. Elle est restée 30 ans dans son lieu de prière, ne sortant que pour accomplir ses besoins ou pour la sieste. Les exemples sont nombreux concernant les excellents comportements et attitudes des femmes des salaf, mais le temps ne nous permet pas de tous les citer, et donc nous nous contenterons de ce qui a précédé. Asallallahu an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يفقهنا وإياكم في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.